être libre de la monarchie. À un moment donné, ce que je réalise, c'est que je suis pas tout seul à penser que les gens, que ce soit au Canada ou au Québec, à un moment donné, il va falloir qu'ils se distancient de la monarchie. Et c'est sûr que ce qui m'apparaît évident commence pour certaines personnes à apparaître comme étant quelque chose à considérer. C'est peut-être le changement de chiffre, hein? Récemment, il y a eu le décès de la reine Élisabeth II, qui a été remplacée par le roi Charles III. Et je ne sais pas si ça a réveillé les gens là, en disant « Ah, il y a un monarque! » Puis là, ce qui est arrivé, c'est que suite aux élections québécoises lors de l'automne de l'année 2022, donc lorsque les députés ont été élus, eh bien, normalement, il y a une cérémonie d'assermentation. Et là, ce qui est arrivé, c'est que des membres du Parti québécois et également de Québec solidaire, donc deux formations politiques québécoises qui présentent des députés élus, qui ont refusé d'être assermentés en prêtant allégeance au roi Charles III, donc à l'Assemblée nationale. Et ils ont plutôt cherché à prêter allégeance au peuple québécois. Et lorsque j'ai entendu la nouvelle, eh bien, j'étais content. Pourquoi? Parce que vibratoirement, ce qui m'apparaît comme étant le plus intelligent, c'est que les membres du Parlement du Québec prêtent allégeance d'abord au peuple québécois qui sont censés représenter, plutôt que de prêter allégeance là, à la royauté. Là. Donc, le concept de monarchie constitutionnelle qui nous lie en tant que peuple ici au Québec et canadien à des gens là, qui, pour des raisons de croyance, ont invoqué sont des êtres qui règnent de droit divin, parce que le concept de monarque qui a été véhiculé au fil du temps dans l'histoire de l'humanité, c'est souvent l'histoire de gens qui se disent être les représentants de Dieu sur Terre, qui sont mandatés par Dieu. Donc, c'est sûr que derrière les monarques, si on pense au cas de Jacques Ier d'Angleterre, bon, ben lui, il évaluait gouverner de droit divin comme source de pouvoir du domaine, qui justifiait l'exercice de son pouvoir. Donc, quelqu'un qui gouverne de droit divin, ça permet de justifier son pouvoir, puis c'est non démocratique. Donc, ça serait par le choix de Dieu. Tu sais, Dieu l'aurait choisi. Donc, qui règnerait avec la bénédiction divine, au nom de Dieu. Mais c'est sûr que derrière ça, La croyance en Dieu peut servir à manipuler des gens pour légitimer le pouvoir de certains sur certains autres, puis mettre en place du colonialisme ou des politiques vont amener des formes d'abus de pouvoir, d'autorité, d'ingérence dans le destin là, de certains peuples un peu partout sur Terre. Là. Donc, moi... c'est sûr que en tant qu'individu qui vit au Québec... Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait longtemps que je le pense, là, que la monarchie, il va falloir que, à quelque part, ça arrête, dans le sens que ça fait plusieurs siècles, en fait, que pour des raisons historiques, on donne de l'importance à la monarchie au Canada et au Canada, et c'est une monarchie constitutionnelle. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. Et là, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé là, par rapport à nos élus ici à l'Assemblée nationale qui ont refusé de prêter allégeance là, au roi Charles III, donc le successeur d'Élisabeth II. Et par la suite, ça a eu des échos également là, par rapport au Parlement du Canada. Et le Bloc québécois a voulu... faire adopter une motion pour qu'il y ait une distance par rapport à la monarchie. Naturellement, les autres partis politiques ont fait en sorte que ça n'a pas été adopté. Mais à un moment donné, tôt ou tard, il devrait avoir une séparation là, par rapport à tout ce qui est la structure monarchique et les élus. Là. Pourquoi? Ben, parce qu'à un moment donné, il va falloir une plus grande souveraineté affichée des Canadiens par rapport aux forces mondialistes qui sont derrière un passé ancestral qui lie le Canada là, à l'Angleterre. La même chose par rapport à différents pays qui sont en relation avec une activité de colonisation qui se rattache à l'Angleterre. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'individu, et si on me pose la question, est-ce que toi, tu voudrais prêter allégeance au roi Charles III? La réponse, c'est non. Je ne reconnais aucune autorité. Je reconnais pas plus d'importance dans sa vie et de réalité qu'un personnage de bande dessinée comme Mickey Mouse. Même chose pour le pape. Non. Et à un moment donné, l'individu doit être souverain et à un moment donné, le peuple aussi doit s'affranchir du mémorial du passé, mais c'est difficile. Au Canada, là, il y a des gens qui ont essayé des gestes là, récemment, mais il n'y a pas de changement significatif quand même qui s'opère par rapport à l'ensemble de la classe politique. Bon, le fait qu'au Québec, ils ont refusé de prêter allégeance au roi, ça a amené des discussions dans les médias, ça a amené une forme de questionnement de la légitimité d'y prêter serment, est-ce que ça devrait changer, et ainsi de suite. Ça a ouvert une forme de dialogue, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Et c'est sûr que un individu qui devient conscient, il n'y a pas d'autorité au-dessus de la sienne, même pas son double, même pas sa contrepartie cosmique. Donc, sa relation doit être horizontalisée par rapport à lui. Donc, l'idée de prêter allégeance à la monarchie ou à un représentant de la royauté, c'est soumettre sa conscience à une force extérieure à soi. C'est un petit peu comme la personne qui va prêter allégeance au pape et puis va se soumettre à son autorité pour le meilleur et pour le pire. Et ça peut amener des abus de pouvoir et ainsi de suite. Des dérives. Dans le domaine de la religion, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des dérives à caractère religieux puis dans le domaine politique aussi. Mais bon, ce qui s'est passé récemment au Québec, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, la tension augmente. Pour moi, c'est inévitable. Hein? C'est juste une question de temps avant que le peuple québécois se distancie de la monarchie d'Angleterre. Pourquoi? Ben, parce qu'à mesure que le peuple québécois va grandir en identité, puis à mesure que, à quelque part, il va vouloir s'émanciper du mémorial qu'il lit à l'Angleterre et à son passé, il va falloir qu'ils se redéfinissent. Mais ça appartient au collectif. Moi, en tant qu'individu, j'ai à me situer par rapport à moi-même. Donc, c'est juste pour moi, quand je regarde cette situation, une question de temps. Puis là, il y a probablement d'autres personnes qui ne voudront pas prêter allégeance au roi, puis ça va créer des tensions. Il y a des artistes qui ont fait des vidéos sur les réseaux sociaux où ils ont dit qu'ils ne prêtaient pas allégeance au roi Charles III. Et moi, c'est sûr que la question que quand que je regarde ça, c'est est-ce que de prêter allégeance à Charles III va nous apporter quelque chose de créatif, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui va favoriser le développement soit du peuple québécois ou canadien? Non, c'est juste l'attachement à des coutumes, des traditions, des rituels. À un moment donné, il va falloir que ça cesse. Pourquoi? Ben parce que ça nous alourdit. Et là, si on a des lieutenants-gouverneurs un peu partout qu'il faut entretenir, qui sont des représentants du roi Charles III ici au Canada, ben ça coûte des fortunes aussi. Surtout en période de récession, c'est un petit peu gênant d'entretenir ces gens-là, alors que des gens qui ont de la difficulté à arriver financièrement au Canada, surtout avec l'augmentation du taux d'intérêt, et l'augmentation de l'alimentation, l'augmentation du coût de l'essence, l'augmentation aussi du coût de l'habitation, naturellement. Donc, il y aura des changements à faire. Et puis, c'est sûr que pour ce qui est de la question de la monarchie, comme d'autres sujets, il y a peut-être des gens présentement qui m'écoutent et qui sont peut-être un peu surpris de mes propos parce que ça fait longtemps en France, entre autres, avec la Révolution française, qui ont tassé la monarchie. Et c'est la même chose pour les États-Unis qui sont distancés là, de la royauté. Nous autres, on est attachés avec eux sur le plan historique. Et c'est devenu avec le temps un boulet, cette attache, depuis plusieurs siècles. Là. Puis à un moment donné, ben, cette lourdeur-là doit faire place à de la nouveauté. À un moment donné, il va falloir éclater les formes des chaînes qui nous lient à un passé historique de peuples colonisés. Là. Donc, ça doit cesser. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une question de temps. T'sais. Comme par exemple au Canada, il faut absolument qu'un projet de loi qui va affecter le domaine de la finance publique doit être déposé par le gouvernement. Aux représentants de la structure monarchique pour avoir la sanction royale pour qu'il soit adopté par la suite. Donc, quelque part, ben, c'est sûr que c'est souvent, au niveau monarchique, ils vont, habituellement, ils autorisent là, qu'est-ce qui est voté, etc. Là, c'est plutôt un rôle symbolique, mais quand même, à un moment donné, ça doit cesser tout ça. Mais si je le regarde sur le plan vibratoire, la question de la monarchie, parce que moi, en tant qu'individu, puis ça fait des années que je suis comme ça, je suis plutôt opposé au phénomène de la monarchie, puis de se soumettre à l'autorité du roi, puis à la croyance que le roi, quelque part, il est nommé par Dieu ou qu'il est un représentant d'une lignée qui le lie à une réalité divine. Plutôt opposé à ça, surtout sachant que dans un passé lointain sur Terre, il y a la possibilité, selon les personnes qui défendent la théorie des anciens astronautes, si on pense entre autres à Eric Van Däniken, que des extraterrestres soient venus ici dans des temps lointains et que les êtres humains n'ayant pas les connaissances techniques que nous avons aujourd'hui aient cru que ces êtres-là étaient des dieux. Et à ce moment-là, l'une des possibilités, un des scénarios qu'il faut quand même prendre la peine de considérer, ne serait-ce que sur le plan hypothétique, c'est la possibilité que des êtres dans un temps lointain, si on pense aux propos de Zakaria Zuchin en relation avec les Anunnakis, auraient utilisé des êtres humains sur Terre pour faire le sale travail que les extraterrestres n'auraient pas voulu faire, comme exploiter là, des mines là, pour aller creuser aller chercher de l'or, en fait, ou d'autres métaux. Donc, un peu comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont pauvres et qui vont travailler dans les mines à la sueur de leur front. Autrefois, c'était des esclaves, mais bon, autant des extraterrestres, c'était probablement des êtres humains. Et là, un des scénarios possibles, c'est que dans les temps lointains, les êtres que les êtres humains ont cru comme étant des dieux parmi la population, ben, ils ont nommé certains individus pour gérer des tribus, gérer des groupes. Et ces êtres-là qui étaient nommés par ces êtres à caractère cosmique, eh bien, ont pu être interprétés comme étant des rois qui règne de droit divin, c'est-à-dire d'un droit qui leur provient d'une relation privilégiée avec des envahisseurs du cosmos. C'est une hypothèse que je fais. Là. Il y a plusieurs, hypothèses là, en relation avec la notion de droit divin, jusqu'où ça peut remonter au fil des millénaires. Mais l'une des hypothèses que je prends particulièrement en considération, c'est celle que dans un passé lointain, des êtres humains mystifiés par des êtres dotés d'une technologie qu'ils n'ont pas, sont soumis à eux. Et parmi les êtres humains, ceux qui étaient nommés, un peu comme aujourd'hui, on va nommer des gens pour gérer des entreprises, des organisations. Bon, mais ces gens-là qui étaient nommés, dans la chaîne de commandement hiérarchique qui servait à gouverner des individus sur Terre, bon, ben, ces gens-là ont pu être vus comme étant des gens qui régnaient de droit divin. Mais en réalité, c'était tout simplement, ça pouvait être tout simplement aussi banal en termes de possibilités, que ce soit des sous-traitants d'êtres extraterrestres, là. Donc, c'est une possibilité. Puis là, à ce moment-là, ces gens-là, on leur a donné une importance. Ils ont eu des châteaux. Ils ont cherché à étendre leur pouvoir un peu partout dans le monde. Ils ont eu des esclaves aussi. Et c'est sûr qu'il peut y avoir une espèce de syndrome de Stockholm qui a pu se produire dans le sens d'un passé lointain. Tu as des êtres extraterrestres que les êtres humains interprètent comme des dieux, donc ils se soumettent à eux et ils ont pu réduire une partie de l'humanité à l'esclavage. À un moment donné, les extraterrestres, ben, ils sont repartis ou ils sont un peu plus discrets. Et là, il y a d'autres êtres humains qui reproduisent les mêmes comportements de domination qu'on subit, mais avec d'autres êtres humains, ce qui fait en sorte que tu as des êtres humains qui en réduisent d'autres à l'état d'esclavage et qui créent des colonies. Si on regarde un peu le trafic qu'a fait l'Angleterre au fil des siècles, où par bateau, il était organisé, par exemple, la traite des esclaves en Afrique. Les esclaves étaient amenés en Amérique, entre autres au sud, donc pour aller exploiter les plantations de coton. Ensuite, le coton était ramené à l'Angleterre. Et par la suite, de l'Angleterre vers l'Afrique, des bateaux étaient envoyés pour aller chercher des esclaves qui les amenaient aux États-Unis, puis ensuite ils ramenaient le coton. Fait qu'il y avait comme des voies maritimes qui étaient exploitées d'une certaine façon pour exploiter les ressources sur Terre, entre autres par rapport à l'Angleterre. Et c'est sûr que le passé, quand je regarde qu'est-ce qui s'est passé avec les Premières Nations au Canada là, en lien avec la colonisation de l'Angleterre, c'est vraiment affreux, c'est vraiment abominable. Certains ont parlé pour décrire la situation de génocide culturel qui s'est produit notamment avec les pensionnats ici au Canada dans l'optique d'assimiler là, les gens des Premières Nations. Où il y aurait eu des gens qui seraient naturellement morts, victimes de violences, agressions sexuelles et autres, là. Donc, le passé de peuples colonisés au Canada est traumatique. Et à un moment donné, il faut s'épurer de ces mémoires-là. Et il faut sortir de cette dynamique-là. Donc, moi, tu sais, il y a des gens qui vont acheter des revues là sur la famille royale, le roi Charles qui a été nommé roi, là, c'est un phénomène récent sur le plan historique, c'est quand même en 2022. Là, il y a des vidéos, il y a des... Non, moi, je suis pas ça. Tu sais, il y a quelques années, c'était à la mode avec la princesse Diana, qui était très photogénique, et là, elle faisait souvent la une des hebdomadaires ici au Québec. Mais non, ça m'intéresse pas. C'est sûr que, bon, il faut un minimum de culture, là. Il faut savoir c'est qui le roi d'Angleterre, mais ça se limite à ça. Je reconnais pas plus d'autorité ou d'importance. Mais si je me détache un peu de la personne que je suis aujourd'hui et je regarde le phénomène de la monarchie d'une perspective un peu plus impersonnelle, au-delà de mon ego, vibratoirement parlant, ce qui est intelligent à faire, c'est de donner de l'importance à un mouvement qui est porteur d'une vibration plus grande. Dans ce que je perçois dans le ici et maintenant, c'est plus intelligent que les dirigeants du Québec prêtent allégeance au peuple qu'au monarque. Tu sais, vibratoirement parlant, de ce que je perçois, ça se tient plus. Mais c'est sûr que si c'était un monarque de droit divin dans un sens réel, ou que la personne qui serait la monarque aurait une vibration plus haute que d'autres systèmes, que ce soit une démocratie conventionnelle, que ce soit une forme de dictature ou une plutocratie ou peu importe, ben, je serais obligé de reconnaître que c'est la forme la plus intelligente. Donc, au niveau supramental, si je peux dire, la forme la plus intelligente de gouvernance en relation avec un peuple, c'est celle qui va véhiculer une vibration qui est plus élevée et créative. Dans certains cas, ça peut être une démocratie. Dans certains cas, ça peut être une aristocratie. Donc, entre guillemets, les individus qui sont censés être les meilleurs d'une société dirigent. Dans certains cas aussi, ça peut être une monarchie. Donc, vibratoirement parlant, faut pas être strict et rigide. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, bon, quand j'ai ce que je vous parle aujourd'hui, je l'ai comme laissé mijoter en moi depuis un certain nombre de jours. Et à la base, ma réaction, c'était bon, la monarchie, il faut que ça cesse au Québec. Puis ça, par rapport à ce que je capte, c'était comme clair. Puis à un moment donné, ça me dit intérieurement, ouais, mais la monarchie, dans un sens absolu, sur le plan historique, ça a déjà eu du bon dans le passé. Ça a déjà servi des choses. Mais c'est une forme. Tu sais, c'est une forme d'organisation politique. Puis il y a des cycles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se peut que la démocratie soit la forme la plus ajustée, parce que le taux vibratoire du peuple est plus élevé que la classe de l'élite économique ou l'élite intellectuelle, et aussi de la classe de la monarchie, des rois, des reines. À un autre moment donné, sur le plan historique, ça se peut que le roi puis la reine a une vibration plus haute qui peut être véhiculée pour ajuster l'ensemble, dans le sens que si le peuple est dans un état de décadence en relation avec l'involution, puis objectivement parlant, le roi ou la reine a un taux vibratoire plus élevé que ces gens-là, oui, le roi peut amener une forme de rayonnement de conscience ou de rayonnement culturel qui peut rehausser le niveau vibratoire. Mais ça peut être aussi qu'à un moment donné, c'est plus la classe des propriétaires d'entreprises qui, à ce moment-là, vont rehausser le niveau en amenant des nouvelles inventions sur le plan technique qui vont faciliter la vie des gens, en amenant aussi peut-être... Le peuple, en lui donnant accès à certains moyens, dans le meilleur des cas, en fait, faut pas rêver à couleur, là. C'est sûr, c'est une classe économique, c'est souvent des gens capitalistes, donc ils sont pas dans l'amour inconditionnel, c'est pas des gens très altruistes ou dans le bénévolat. En fait, je me réajuste. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs classes sociales, puis à un moment donné, ce qu'ils font, ça se peut que ça soit un peu plus ajusté. Donc, dans certains cas... C'est sûr qu'on peut critiquer que ce soit Bill Gates également là celui qui est derrière Apple là qui ont amené une démocratisation de la technologie, c'est-à-dire Steve Jobs. On peut les critiquer ces gens-là, mais en même temps ils ont amené un accès plus grand à l'information au peuple. C'est sûr que la question d'accès à l'information à l'égard de sa qualité peut être discutable, là, naturellement. C'est sûr que la technologie peut être à double tranchant, peut servir d'embrigadement. Mais aujourd'hui, on a des interfaces de communication que nos ancêtres n'avaient pas, ce qui nous permet de faire des synergies qui n'étaient pas imaginables. Donc, c'est sûr que dans un sens, on peut voir ça comme un gain. Mais en même temps, ça peut servir à relayer de la propagande et aussi faire des gens des consommateurs dociles. Donc, il y a tout le temps double tranchant. Là, je suis pas naïf par rapport à ça, mais le point que je veux faire, c'est que à un moment donné, ça peut être intelligent qu'il y ait un monarque. Donc, mais c'est toujours regarder. C'est quoi qui est plus ajusté vibratoirement? La vibration sert des différentes formes. Donc, à un moment donné, on peut dire, ben non, la monarchie, il faut être libre de tout ça. Ultimement, l'individu qui est conscient, il n'y a pas besoin d'un monarque, il n'y a pas besoin d'une démocratie, il n'y a pas besoin d'une plutocratie. Il n'y a pas besoin non plus comme ce qu'il y a en Russie là, avec... une oligarchie là où tu as des gens très riches, très puissants là qui possèdent, que ce soit les ressources pétrolières, le gaz naturel, puis là, ils ont de l'influence. Il n'y a pas besoin de force mondialiste non plus. Ils se dirigent par lui-même. Et tant que l'individu n'est pas capable de s'assumer complètement, ben il y a besoin de dirigeants pour compenser le manque de direction, le manque de leadership, le manque de conscience créative. Mais c'est ça que dans l'évolution du collectif, ben il y aura sans doute à un moment donné des formes qui, au niveau politique, qui vont mettre davantage l'individu au centre des priorités. Mais tout ça, c'est long, c'est complexe. Puis il y a une épuration qui doit se faire, entre autres. Bon, si je reprends la politique canadienne-québécoise, des formes qui lient au passé pour qu'il y ait un renouvellement, une réinvention de la politique qui s'opère. Donc, à un moment donné, il faut sortir d'une mentalité archaïque. C'est sûr que. Peut-être que dans quelques années, je vais dire, ah, tu sais, si après Charles III, il y a un autre monarque, puis la vibration est plus haute, peut-être que je vais le trouver plus intelligent, le monarque, que de regarder des dirigeants comme Joe Biden ou Justin Trudeau. Si vibratoirement, la vibration d'un monarque est plus élevée que des Zelensky, là, qui est un ancien acteur, ou Donald Trump, ou d'autres politiciens. Si c'est un fait vibratoire, je suis obligé de le reconnaître. Même si le concept à la base de monarchie en tant qu'ego me plaît pas, m'horripile. Mais là, c'est sûr, j'ai un contexte historique aussi où le peuple québécois a été traumatisé, entre autres, là, sur le plan historique, par rapport au fait qu'ils ont perdu mes ancêtres, la guerre par rapport aux gens qui venaient d'Angleterre, donc le peuple québécois qui est issu de la France, ici ça s'appelait autrefois la Nouvelle-France, bon ben, sur la bataille qui a eu cours sur les plaines d'Abraham à Québec, eh bien, c'est sûr que les gens de la Nouvelle-France ont perdu, et à ce moment-là, ben, ils ont été soumis là, à la monarchie constitutionnelle depuis ce temps-là, c'est sûr que l'idée d'avoir été vaincu par l'Angleterre dans un passé lointain et de se faire rappeler ça à chaque fois que quelqu'un qui est élu est assermenté en prêtant allégeance au monarque en place en Angleterre. C'est comme nourrir une forme de traumatisme qui nous lie au passé là, de la perte d'une bataille, entre autres. Mais ça, c'est en lien avec le côté historique. Mais à un moment donné, ben, il va falloir aller au-delà de ça, la monarchie. Moi, quelqu'un qui se conscientise, il peut reconnaître que pour un peuple dans telle situation, dans le contexte, oui, une vibration peut être plus élevée, oui, ça peut amener plus loin, oui, il y a des avantages à tout. Tu sais, même la dictature communiste chinoise, je suis obligé quand je regarde ça, qu'un recul critique, que oui, il y a des avantages par rapport à ça, dans le sens qu'ils peuvent mener à long terme des projets. Prenons par exemple la route de la soie, avec la construction d'une infrastructure au niveau du train qui parcourt qui va parcourir une partie de l'Europe de l'Est par rapport à certains pays. Bon, ben, c'est sûr que ça se fait sur plusieurs années, des travaux de longue échéance qui coûtent plusieurs milliards. Donc, c'est sûr, dans une démocratie où la personne est élue pendant 4 ans, ça devient difficile d'aller de l'avant avec des travaux comme ça qui vont s'échelonner là, sur plusieurs années. Donc, parce que si la personne qui est élue après dit non, on donne plus de l'argent pour le projet de la construction d'une voie ferrée de grande ampleur, ben là, le projet est comme à l'autre, tandis que ça, c'est sur plusieurs décennies. Un projet de grande envergure, ben, ça favorise sa réalisation. Donc, les dictatures, il y a des avantages aussi. Mais, en même temps, la façon que je vois les choses, c'est que la dictature, dans sa forme, c'est propice à des abus d'autorité tant aussi longtemps que l'être humain a de l'orgueil, a de l'ego. Lorsque les gens seront épurés de l'ego, ils pourront travailler avec la vibration du supramental, mais ça va prendre du temps. Puis, par rapport à ça, ce qui est particulier, c'est que les gens peuvent penser que la conscience supramentale rime avec démocratie, alors que de ce que je capte depuis des années, c'est pas le cas nécessairement. La démocratie dans le sens que le peuple au pouvoir, non. Dans la conscience supramentale, c'est la vibration la plus ajustée au pouvoir, ou qu'on lui reconnaît du pouvoir, ou qu'on lui reconnaît de l'autorité. Donc là, la personne ne régnerait pas de droit divin parce qu'elle n'est pas affiliée avec des extraterrestres reptiliens qui auraient pu venir dans un lointain passé ou ce que certains appellent les Anunnakis, mais la personne régnerait par son affiliation psychique directe et immédiate avec la vibration supramentale, ce qui est très différent. Et les gens qui reconnaîtraient ce règne-là, c'est parce qu'il y aurait la sensibilité de le percevoir. Tandis que les gens qui reconnaissent le règne d'un roi, c'est parce qu'ils croient que la personne est nommée par Dieu ou est son représentant terrestre. Donc, c'est très différent comme démarche. Il y en a un, c'est de la croyance. Tandis que la reconnaissance vibratoire, ça fait écho à la sensibilité de l'individu, son intelligence. Donc, c'est sûr que si un gars, par exemple, comme Bernard de Montréal, qui est venu au Québec, ici, parler de conscience supramentale, serait présenté aux élections, ou si on aurait dit, suite au décès d'Élisabeth II, ça va être Bernard de Montréal III qui va la remplacer, ah, ben là, je serais content. Probablement que je serais devenu loyaliste et monarchiste. Et je voudrais prêter allégeance à lui. En tout cas, plus qu'à Charles III, encore plus qu'à Justin Trudeau. Justin Trudeau me fait penser à un clown. Tu sais, lui, c'est un professeur d'art dramatique. Et en Ukraine, présentement, on a Zelensky, qui est un acteur. Et aux États-Unis, on a eu Donald Trump, qui était l'animateur d'une émission de télévision populaire, The Apprentice. Donc, ces gens-là qui sont du milieu du spectacle, de la télévision, c'est sûr qu'ils sont capables de générer des émotions auprès de la foule, de la populace, de la masse. Ils sont capables de... Surtout si on parle d'un gars comme Justin Trudeau qui a des talents d'art dramatique ou Zelensky qui a un talent d'acteur, bon, ben c'est quelqu'un qui peut pleurer sur commande. Il peut être capable d'émouvoir le peuple pour les amener, les gens à se soumettre à un agenda qui n'est pas nécessairement à leur avantage. Donc, je me méfie beaucoup de ces gens-là. Mais la possibilité qu'éventuellement, il y ait un grand monarque qui soit éclairé par l'intelligence de l'esprit, qui régnerait sur Terre, donc ce que certains pourraient appeler le régent planétaire, donc avec la régence planétaire, je ne suis pas fermé à ça. On verra. Mais il faut qu'il soit vraiment éclairé. Il faut pas qu'on croit qu'il soit éclairé, mais il faut qu'il le soit réellement, que ça se perçoive vibratoirement. À un moment donné, si quelqu'un comme ça arrive sur la place publique, bien, on pourra le prendre en considération, mais je pense pas que ça soit pour demain matin. De toute façon, j'attends pas pour ça pour vivre. Ce qui est fondamental dans ma vie pour être bien dans ma peau, c'est d'être souverain dans ma conscience. Puis de regarder la joute politique qui se passe présentement avec le changement de chiffre, passage d'Élisabeth II au roi Charles III, comme étant tout simplement la continuité d'un mémoriel qui cherche à se réaviver par rapport à certaines forces à caractère mondialiste et tentaculaire. Parce que l'Empire d'Angleterre, avec ses nombreuses colonies, ils ont eu des colonies en Afrique, ils ont des colonies, c'est sûr, en Amérique du Nord. Ensuite, il y a eu d'autres pays là, qui ont été, que ce soit Hong Kong ou d'autres pays un peu partout là, qui ont été colonisés par eux. Là. Ben, tu sais, Hong Kong comme pays, en fait, c'est une partie de la Chine. Là. Mais je veux dire, ils ont été un peu partout dans le monde, dans un esprit de colonisation. Donc, c'est sûr que par rapport à eux, c'est derrière... le phénomène de la royauté, il y a des forces qui cherchent à se maintenir et il y a des forces qui cherchent à mettre fin à ça pour qu'il y ait un renouveau. Donc, il y a la mémoire ancienne qui résiste, qui cherche à amener les gens dans un ordre défini relatif à un passé. Puis là, il y a des gens qui cherchent à amener du nouveau. Et probablement que c'est le nouveau qui va venir avec le temps, étant donné que, à quelque part, l'intelligence créative est plus forte que le mémoriel. Donc, la nouveauté, c'est juste une question, va prendre le pas sur l'ancien. Mais il y aura toujours des forces retardataires qui vont chercher à garder l'ancien le plus longtemps possible au pouvoir. Ce qui fait en sorte que là, présentement, il y a eu une bataille qui a été perdue par le Bloc québécois, dans le sens que la question de l'assermentation au roi va perdurer. Donc, les liens avec la monarchie perdurent. Donc, c'est ce qu'on a appris en ce mois d'octobre 2022, mais c'est pas parce qu'il y a une perte à ce niveau-là qu'à long terme, les choses ne changeront pas. Ça sommet quand même le germe d'une forme de réflexion au sein de la population. Et ça m'a amené à parler et à faire cette capsule. Donc, écoutez, je vous remercie tout le monde de votre écoute et je salue tous les gens qui sont souverains dans leur conscience, qui ne se laissent pas relativiser par les monarques, par les croyances à des politiciens, à des oligarques, à des multimillionnaires excentriques pour changer le monde. L'important, c'est de rayonner de sa propre conscience. Bon, c'est vrai, là, j'arrête de parler. Bye bye.